deub daxé waw kay raxé ko ci lo xamné wëñ ji lan la khalis la moy silsilatan fatakhadha mu def makanahu berbam manam place bi nga xamantene mom mo xar mom la jël def ci lan han waw bo wëñ go xamné lan la khalis la légui kan moko def ci ñom lool nak borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté nañ ci ku melni imam al-bayhaqi rahimahullah mom dafa gis ne kiko def moy anas ibn malik ci bopam radiyallahu anhu way du ne yanati bi moko def sallallahu alayhi wasallam té ndax riwaya tamit bo xamanteni mom ci bopam daf ko solo ne kenn ci rawi yi mom moy musa ibn harun rahimahullah dal ne anas moko def manam mais mom bam paré riwaya bi la kon mën na nek ne manam ci lool lañu tuddé lan wax bo xamantene ki solo hadith bi daf ko indi mu nek commentaire ci hadith bi mom lañu tuddé lan ci hadith mudraj mom lañ wax mudraj wala deng légui mom kon mom la def manam dafa jël wax jo xamantene daf ko commentaire pour expliquer hadith bi mais buñu xolé lool mom motax imam al-bayhaqi rahimahullahu ta'ala daadi dogu ñu mom ci ne lan ci ne yenen ci ne anas ibn malik radiyallahu anhu mom moko lan moko réparer non ak mo ci def xaaliss bi mais yenen bi sallam def mom japp na ni bok ne ci loolu mom moy li nga xamal imam abu amr ibn salah rahimahullahu ta'ala tamit wax degeural ci riwaya li nga xamantene mom la imam an-nawawi rahimahullahu taxolo ci mom ci al-majmu' waye buñu xolé al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah taxol na ci al imam ibn salah tamit rahimahullah ñaarel riwaya dañu ñaari wax la am al imam ibn salah jappal na deug la ki nga xamne moy kan imam al bayhaqi rahimahullah ci na anas ibn malik radhiyallahu anhu moko def waye nak solo nañ ci mom tamit ne manam ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko def imam an-nawawi rahimahullah mo dafa japp ne ki nga xamantene mom moko def deug moy anas ibn malik radhiyallahu anhu ngir ne manam hadisi ni mu waxe manam ni mu ñewé nonu ak ne riwaya bi nek ci sunan imam al bayhaqi muna fa ja'altu makanaha silsilatan min fidda manam mom bimu ne man defna place bobu manam anas ibn malik radhiyallahu anhu ne place bobu defna fa silsilatan min fidda waye al hafiz ibn hajar rahimahullah ci fathul bari bimi sharh hadis bi dafa ne mën na nek ne du ja'altu me ju'ilat la manam riwaya bi mën na nek ne mën na nek ne joylat la manam kon mën na nek ne jim gi dañ koy damma bu boba kon def nañ ci lay wax te bu boba mën na nek ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moko def wa chen bu ci def dañ ko manam dañ ko togg wala est ce dañ ko jëlé non mais dañ ko togg parce que chen bu de toute façon xaliss boko togg du nek chen dañ ko togg après wa mën dok ci mën defal voilà légui wa chen la wa en fait chen la manam moy wëñ gogou chen la sirsi la mom lañ wax sirsi la voilà légui kon légui mom kiko ci def mom moy kon anas ki kon ñom dañ japp na anas ibn malik radhiyallahu anhu al hafiz ibn hajar rahimahullah de lool mat na xolaat d'ailleurs al imam ibn salah rahimahullah ci benen waxam di daf ni ah mais lol tamit de toute façon lu mata xolat la ndax sayyidna anas parce que mën nek ne yenenbi la sallalahu alayhi wasallam te bokku na ci li deugural ne yenenbi la sallalahu alayhi wasallam moko def mom moy buñu xolé niko al imam al hafiz rahimahullah tokhale ni ci borom maram han da ngay gis ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam le djublu ne mom moko def te niki nonu la nekke tamit ci manam riwaya bi ni mu nek ci sahih imam bukhari rahimahullah té bokku na ci likoy gëna dëgeural moy li al imam muhammad ibn sirin rahimahullah wax ndax dafa ni dafa amone fo xamantene wër bo xamantene ki mo fa nekkon trou bo xamne wëñ mo fa nekkon yeen ta sallam wëñ la fa defon mom mu jël soppi ko def ko la mu bëggoon ko soppi kon ci lañuy xamé ni li yeen limu bëggono soppi muju ko soppi kan Anas ibn Malik radhiyallahu li beugono soppi def ko khalis wala or te muccu ko soppi bokul ak bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam soppi du ben kon parce que lolu moy ci ngay xamé ni kon ñaari mbir la manam yu wuté ci un parce que su fekkontene ben règle konontone lolou problème du ci am dañ nan Anas moko def waye le fait que ñu gis ne dañ ko bëggo dafa am benen bo xamantene mom la bëggoon soppi nak bi pa def ko xaliss ba manam bayu jidlem moy kan Abu Talha radiyallahu anhu ne ko lan bul sopp muk la tu khayran shay'an sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bul sopp muk mbir mo xamantene yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moko lan moko defar lu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defar bul ko sopp kon ci lañu xamé ni mbir mi ñaar la kon ci kaw lolu de toute façon ala kulli hal lolu dinañ ci ñew ci mas'ala usuliyyah yi manam moy sahaba bi bu doon sax sayyidina anas radhiyallahu anhu li note moy ne moko defal lan moy atay lu sahaba def manam ndax est-ce que dina am valeur juridique est-ce que sahaba bu defé rek day tax ñu ne ah comme nak comme sahaba be ko def baxna wala baxul wala ban valeur juridique la am ban importance la am ci atay sharia yi amma bu de yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam amul leunt yenen ci sallallahu alayhi wasallam lu mu def mom amul ben leunt ke ni lan la ke ni lolo baxna mu def nako nangu waye bu de sahaba bi la radiyallahu anhu surtout bu ko defé ci lo xamne yenen ci sallallahu alayhi wasallam yeguko xamuko lan moy atté lolo non dinañ ci ñew inshallah ci mas'ala usuliyyah inshallah legi kon dafa jël mu ne fatakhada dafa japp del lan makanahu barawam silsilatan mu def ko wëñ manam moy chaîne bob ndax silsila manam makana ash-sha'b la wax han takhadha wa makana ash-sha'b ash-sha'b baat la bo xamne lafzul mushtarak la liñ lay tuddé lafzul mushtarak moy baat bo xamantene day bari ay sens day bari lan ay sens comme tay par exemple ci wolof exemple biñu faral di joxe moy fay xam nga fay day teki fay lamp comme ça la fay lamp wala fay tal wala bo fay bor han wa fay far fay bor ak fay nuyo ben la en fait moy delo akra mais mu am benen fay mom moy jigen du fay moy abandon de domicile conjugal ah dafa fay Non, lol duñ ko tuddé sey non gor limi def du fay légui non mais du ko tudd fay buñ ko waxé jigéen ci mom moy fay dañ nan dafa sey ji won légui fay na dem na delu na ci keur papa mak yayam han dem na tok légui parce que xeyna problème da am wala amna lu ko nakari te négu sey mo la yoy lol lañu wax fay voilà deng legui kon manam kon baat bobu dañuy gis ne lolou lafzul mushtarak la manam baat la bo xamne meuf la koy jëfëndiko fi comme en français vol le vol day tekki naw day tekki satch te pourtant niñ leen di bindé ben la verbe yeb volé lañuy bind er lay jéxé premier groupe la té niñ leen di conjuguer ben la and ak lolou yeb le vol voilà lool moy lu dutti lafzul mushtarak legui nak mu am nak lo xamantene ci bir lafzul mushtarak yi dafa am yenen benen mbir bo xamantene dañuy am ci bir lu ñu tuddé al addad moy baat yo xamantene day tekki benn mbir ba paré di tekki contraire bi day tekki benn mbir ba paré tekki contraire bi ah legui fini laf bi ni non seulement laf bon lol nak xawma ci exemple ci wolof ni ci tuba xawma ko ci lima xam parce que lima xam dal manam ci arab rek la ko xam manam baat yu mel nonu ci arab dong la ko gis mako ci yenen langue ci benen langue manam yima xam bu boko ci arab moy té mom moy comme par exemple charbe bi ci yoy la bok ndax charbe day tekki défar day tekki islah day tekki défar mais day tekki fasad manam ak wala ifsad day tekki ak yak comme le hadith sayyidna omar ibn abdullah ibn omar bi radiyallahu anhu yantibi sallallahu alayhi wasallam ne sha'bun kaseerun min sha'bin qalil manam ak yak gu bare bare bare mi ngi joge na ci defar gu tuti manam sha'bu bu ndiek bi ak yak lay tek yak gu bare bu tukke ci defar gu tuti motax boy defar tamit xolal ni ngi liñu defar lu mu don parce que mën na gë réparer ben affaire fek la ngay yak ta gannaaw ha lu bari lay don ha voilà safara su dur jangoro voilà deng legui ah comme lolu par exemple lolu ben exemple la legui chaabe day tek tamit manam kurel manam mbolo gu bari manam askan aw luñu waxe aw ap waso wuri moy tribu bu mak dañ ko tuddé comme le alcorane wajalakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu shab manam kon mom moy ak waso moy tribu bu mak shab day tekki tamit liñuy tuddé manam ak dajalé wala ak takalé gu bari comme li sayyidat aisha radhiyallahu anha melale bayam bim nan yar abu sha'baha manam moy dafa dajale tasaro manam ni tasaro xet gi ni ñu tasaro won non bi manam parce que yunus sallallahu alayhi wasallam bimu genee aduna am ñu bari ño xamantene ki di xalaat li ci xalaat de après ay gaay jaxaso mo len dajale wat non mo len dajale manam ni gaay jaxaso we won radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu nga fofu dem ni dum chaabu day tekki manam comme fi niñ ko gisé place bi limi tekki moy yak moy xar fi yak mais sha wa fi yak fissure moy fi xar donc place bobu mom la def mune mom legui nak kon ci mana yu bari yoyep bobu mana la am fi moy shaba moy makana shaba place bi nga xamantene mom moy placeu xar xar gi mom la def lan silsilatan silsila moy ha moy chen motax salsal moy buñu waxe tasalsul moy lo xamantene day jokkolo di dem lol moy tasalsul lo xamantene len lu ci nek dafa am lu mu lekkelo ci lenen moy chen non rek moñ mom bo xolé ci xam xam hadith amna baat bu nuro ak lil moy lan dede mustafa dede musalsal moy hadith bo xamantene ñiko solo ñepp ci chaîne bi début bi ba ben ki ba fin bi ñom ñepp manam ben façon lañ koy ah lañ koy solo lolu moy musalsal moy deug comme niñ ko gissone jotone nañ ko giss voilà manam nga xamantene kenn ku ci nek niñ ko solowé nonu la koy ki ci dess di solowé budé ci xal la wala bok ci wax la wala ci ki wala ci doxalin la ñom ñep wala ci bis biñ ko def et cetera lolu moy musalsal manam moy lo xamné dafa tap ben chaîne voilà masalan voilà musalsalun bil awwaliya par exemple moy hadith bi nga xamne mom lañu ñëk jang ci hadith mom lañu jëkkon jang ci nga xamantene ku nekk ku kenn ku ci nekk daf koy jang da nan ah degg na diw mu ne mom li hadith bi la ñëk degg ci serignam bi diw mu ne mom haditham bi la ñëk degg ci serignam bi diw ba ci sufyan ibn uyayna moy mom musalsalun bil min awwaliya moy arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama moy hadithu amr ibn al-as radiyallahu kon kon lolu moy musalsal lolu moy musalsal comme hadithu amna benen musalsal bil mahabba comme li anas li ki wax yantou sallam lim waxone muaz radhiyallahu anhu ko dama la sop niko wax deug yalla dama la sop legui nak dama lay wax ne la bul bayyi di wax ginnaw julli gu jot ginnaw julli bu ne neel del wax allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika lol tam musal sal nga xamantene muaz tamit non la ko jangale talbi kenn ku ci nek day wax sa morom ne ko dama la sop bul bayyi di wax ginnaw julli bu jot allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika dax degna sama serigne diw sangam munema yow de dama la sop bul bayyi di wax ginnaw julli gu jot nangam momit dal ni mané degguna sama serigne diw munema dama la sop kon del wax manam non ba ci yenenti sallallahu alayhi wasallam non lol moy manam musal sal dafa am nak ay façon yu bari comme ni nga xamantene gisone ko donc lol le fait que mu top chaîne bobu ñep lol moy musal sal hadith donc musal legi nak lol mi ngi joggé ci sal sala bobu bi nga xamantene mom moy top toftalante bobu amma fi nak mam silsilatan mom moy boom gogou chaîne gogou mom moy wëndi lol mom la jël nak def ko makana sha'bi kon place bi nga xamantene fa la xar xar bi amé kon ci bir maana yi sha'bu di am han bi mom moy maana bi nga xamantene mom moy maana bi mu amé mom moy xar xar moy fissure mom la ci def koku wëñ gogou mu ci tek min fiddatin ci khalis légui nak buñu xolé bi sayyidina anas radiyallahu anhu bëggoon def mom khalis la wala or ala kulli halin le fait que defuko lolou du problème bi mais li problème bi moy le fait que mu naron ko def te mu nek khalis wala mu nek or légui nak lolou ci sak la ci kan asim al ahwal rahimahullah bu mu def lolou moy li nga xamantene mom la borom xam rahmatullah alayhi notal andak ne wax nañu ne man na nek ne anas ibn malik radhiyallahu anhu mom ci bopam mo xamul won ban lay def ndax daf ci def khalis wala daf ci def or waye bam ko laaje sayyidina abu talha radhiyallahu anhu diko laaj manam nan la wara def niko bul soppi dara lo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko defal kon ci kaw lolu ci lañi gisee ni manam baat yi nga xamne ño nek ci hadith bi kon lolu la won manam o khalis nak mom ñepp xam nañ ko mom moy matière bobu nga xamantene bu souvent mom buñ ko teggé dañ ci génné ay dirham moy khalis d'ailleurs ba légui khalis ñun ñi ci argent manam même khalis ni sax manam même ki sax argent la ni wax euro yek dollar yek dañu argent lañu wax ndax mom lañ daan faral di teug ak or tamit manam ñom lañu faral di teug amma atay nga xamantene ñom ñoo ci aju dinañ leen gis inshallah ki nga xamne mom mo solo hadith bi manam ci téréem moy imam al-bukhari rahmalahu abu abdullah muhammad ibn ismaeil ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizba al-bukhari rahmahullah ta'ala mom tamit li nga xamne mom mo aju won ci mom gisone nañ ko ci hadith 5 bi manam walillahi alhamdu wal minnat kon xamna ñu yom fofu inshallah ci jot ci wi jota bi di ñew ñu doga gis li nga xamne moy masail yi manam masala yi nga xamne ñom ñoo nekk ci suñu hadith bi inshallah ta'ala kon ñu wallahu ta'ala ala Le fait que lolu benen mbir la parce que le fait que comme que en fait li la moy xam nañu ne def nañ ci xaliss lolu mom xam nañ ko mais liñu xamul moy kiko kan moko ci def ak ñaata la xam nañ ni def nañ ci xaliss mais benn yoon lañ ko ci def lolu amna parce que su doon ñaar yoon wala ñett yoon dinañ xam ne def nañ ci ñett yoon xaliss wala ñent yoon wala ñaar yoon mais le fait que ñu def ko ci benn yoon kessé lolu mom motax ñuy tuddu mbir mi legi nak bi nga xamantene mo la ci sayyidina anas radhiyallahu anhu bëgg defaté xaaliss xamuñu bobu nak lako Abu Talha radiyallahu anhu ne ko bul soppi lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam def ba pare manam kon ci lañuy xamé ni tamit ne kon bu ñëk ba bokut ak bi nga xamné mom lañuy wax ni ne daf ko ci bëggona def comprendre ci kaw lolu kon beulene le bu ñëk ba lolu mom motax probabilité que ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko ci defon bobu fort parce que su fekkonté ne kon dafa xar ñaar yoon bu ñëk bi mu def ci xaaliss après am bo xamantene yentou sa sam daf ci defone dedet wegn waaye bi nga xamne mom la def wegn te defu ci xaliss mom la bëggone jël soppi ko nak legui def ci xaliss tay han mom la bëggone def ci xaliss legui nak bimu ci waxta te li lay wone kon defu won ci benen manam xaliss bi defu ko ci ñaar yoon du mom moko ci def ñaar yoon mom moy su doon lool la kon du lajat une deuxième fois nan ndax ma def fi xaliss day ñew rek def ko ci au moment où defon nako avant probabilité bi moy wa ni manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko ci def wallahu ta'ala bismillah moy kon par exemple ñu utiliser ben ndawal bo xamni ni bo xamni ni porcelain la waye japp mais da ngay wax ci kaw ñu dégg ko kon sañu mu nañ jàngé ci hadith bi nek est-ce que l'islam dina nangu par exemple ñu défar ben tasse bo xamni ni manam li ñuy nané porcelain la waye japp waye bi xaliss la porcelain moy lan ah d'accord wa ok ah tu vas voir parce que man wa moy argile quoi d'accord moy ban moy voilà légui ah lolu comme dinañ ko gis inshallah manam moy borom xom bi rahmatullah alayhi dañu bok na ci ces masal yi nga xamne mom lañu wouté moy ndax mën na jël ki bi nga xamantene japp kay bi kessé mom moy or wala moy khalis surtout bu fekente ne khalis la ndax bobu rek legui ndax japp kay bi rek manam mën na nek khalis wala bok yenen yi ci dess manam wala bok su nekke khalis tamit day rari haram wala bok dañ koy rari sip comme ni nga xamantene non la nekke ak lan ak bu ñëk bi lol nonou peut-être li gën sax moy ñu bayyi ba yex ci ñu dogal yaatal masala bo parce que borom xam rahmatullah dañ ci wuté go xamantene gu deugal la waye amana li nga xamne mom moy li gëna deugal moy li mazhab shafi'i wax rahmatullah te mom moy ne lolou bu dé mbir mi non la démé lolou du garaw parce que lu touti la manam parti bu touti la bu boku te lolou tamit batay wajhe la ci ñom manam walla la rek ci ñom manam walla la ci ñom ne bu fekente ne mbir mi non la démé bu boba du graw waye inshallah bu ñu yexé ci masala inshallah dañu gëna yaatal question bobu inshallah wallahu a'lam sino bu fekkante na ci jeex na ak ki dama am da mi ngi gis ci tahriib bi moy est-ce que kon ndab yi ki bi ndab yoy ñaar la wala ben non ndab yi ben la ben ndab dañu ne ci ben hadith bi kené da doon waji yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bim toje wa bim xare da ko def ak weñ wa legi sayyidina anas radhiyallahu ta'ala bugu ko def abu talha radhiyallahu ta'ala ne ko bul changer lu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam defo wa bugun ko def ak khalis wala lenen wa kon moy ne yaronu sallam nim jekona def dafa mel ci hadith bobu wax nañ ñu ne mom ki la ko def weñ la ko defaro wa legi buñ ne mom da ko bëggona changer wa abu talha radhiyallahu ta'ala ne ko bu ko changer wa moy est ce que kon budé dañu japp ne ben ndab la kon moy sayna anas après lool da ko changer def ko khalis wala non bobu def ko soppi ko lool la doon wax ni manam lima développer presque lool la manam moy soppi ko parce que le fait que mouné ko bul ko soppi mom mo lay manam mu bayiko parce que suuro manam amul won ndariñ su fekkonté né soppi nañ ko su fekkonté né changer wuko kon dañ suuro da ko changer dañ tuddu changer parce que amul ndariñ ñu tuddu manam ñak gi manam ñu tuddu ski bi nu tuddu dem bi mu dem ba lacc Abu Talha radhiyallahu anhu ba mu ne ko bul def li ba bare duñu mu soppi ko ba bare tuddu ñu soppi lol du ñanu manam legui li ci dess kon mom moy benn mbir rek mom mo fi dess moy ke ni lolou nonu mom laalu ko soppi wu ko te bu boba kon ba bare le fait que nak li wala ni ndab li mom benn rek la moy le fait que ñoom ñepp kenn ku ci nek da nan wa qad ra'aytu hadha al hadath hadha al qada manam gis na ndab lo ki boba ndab lola manam le fait que ñuy wone ni gis na ndab lola ñu koy tuddu ci nga xamé ni kon ndab lu ben la parce que bu doon ndab yu bari la da nan gis na ap ndab qadahan lañ wax mais le fait que ñuy tuddu ne ben bobu la mo lay wone mbir bu ben la bokku ni ci li degeural ne ben la moy le fait que ci ñaari cyallale yeb ibn sirin radiyallahu anhu nek ci te ñaari cyallale yeb le fait que bi ci dess qasim al ahwal rahimahullah bi mi tokhal wax ji ci ibn sirin hadith bi bo xolal riwaya bu ñeuk bi dafa wax ne moy bi nek ci bulughul maram mom dafa jele directement ci ibn sirin bi ci dess tamit bi mu ñewé daf ne qala wa qala ibn sirin manam bi mu paré riwaya bi imam bukhari rahimahullah tokhalé ba fofa manam ci riwaya bi ci même talalé gi daf ne wa qala ibn sirin ne ibn sirin neena ne ndap li kat dafa amone benn manam yaqku yaqku bo xamantene mom weñ lañ fa defone mom la soppi kon ci lol mom ci ngay xamé ni kon manam ki bi weñ gi benn weñ la manam nekul won manam benn ndab bi la du ñaari ndab yu wuté waye tocc gi nak mo nek ñaar parce que bu fekkonté ne tocc gi benn la konon ton weñ rek mo ci nek mais au moment où l'air na né khalis nga ci mo lay won ne tocc gi ñaari tocc la ben ndab la ben mar la ñaari tocc voilà mi wala ni ñaari tekk la legi benen bi ci dess nak le sayyidna anas radhiyallahu anhu bëggono soppi nek khalis mu nek khalis te defuko d'accord en fait kon wa wallah ñu ñaar tout benn di ben lañ ko réparer wéñ wa bi ci dess réparer ko khalis voilà mom mu bëgg jël wéñ bi def ko khalis mu jël bëggono jël wéñ bi nak legi soppi ko khalis tamit voilà legi non manam bo xolé ñu demé ni ñom im al bayhaqi musalah an-nawawi rahmatullah ñom so ser lool li ñu bëgg développer fofu moy ñom ni ñi waxé moy né tocc bi ben tocc la té tocc bo mo am xaaliss alors que affaire bi du ben tocc affaire bi ñaar tocc la voilà parce que bu doon tocc yi ñaar tocc la kon dinañu xam tocc bu ñëk bi man kon tottu weñ bi duñ ko tuddu mais au moment où tottu weñ bi tuddu nañ ko sayna anas radhiyallahu anhu bëggul ko soppi te yalawul mana tamit lo xamantene manam li yalu mana moy le fait que mu bëggono soppi bu weñ bi moy ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ci def ñaar yëpp effectivement parce que su doon bu weñ rek na ci def bu tojaté mom mu bëgg ko def kon bu weñ dañuy def effectivement okay Mm. Ok probabilité de moyen ça sera mon wa silsila ak dalil amna différence xam nga dañuy faral di wax silsila ci en fait silsila bat la bo xamantene souvent sax ci affaire tarikh yi lañ koy faral di jëfëndiko moy isnad ñun buñu wax isnad mom lañuy faral di wax silsila mais en réalité isnad la manam terme juridique bi deug manam terme terminologie bi hakikatan isnad la mom moy tialale parce que silsila exactement bat bi mudun voilà tialale la manam moy chaîne bi quoi wëñ gogou chaîne bi tialale la en fait moy tialale légui ko waxole isnad ak silsila dañoo nuro fofu ci walu gogou mais ci sens pas ci bo delo waté ci sen ciossanu ba ndax isnad mi ngi tekki yekiti wala mi ngi tekki wiru manam ak yekiti ko ak wiru as-sanadu wala asnada manam asnada moy yegiti nako tek ko fenn wala bok asnada moy wiruna fenn wiruna ko fenn amma dalil nak dalil moy moy lay wi nga xamantene moy argument preuve bi nga xamantene mom ngay tek c'est-à-dire que nit mën na am sirsila wala isnad alors que du nek lay mën na nek manam nit mën na ne diw momo wax nangam koku de diw ko wax koku diw ko wax nangam bo wax ji yegg ci yannabi sallallahu alayhi wasallam te fek du doñ ko lay au moment où tialale ngi degeuru alors que lay ba pare tamit benen bir moy mën na baña nek lay pour mom manam wax ji mën na dem ba tew te du nek lay pour mom day lay nek lay contre mom manam dalil moy preuve moy argument bi rek moy tay bu fekente ne daño ci ben sujet dafa daño tek ma wara wax ben mbir mo xamanteni damay deugereul sama position li nga xamanteni mom moy limay indi pour mu deugereul wax joju lolou mom mo tuddu lay mo tuddu dalil buma ñewé né par exemple julli day farata la ngéni ma foko tek manena ndax alquran mo né aqimus salata de la taxaw julli wala bok manela yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mom mo né l'islam dañ ko tabax ci jurom manam bu ne l'islam ala khamsin mu da tay bolé iqamus salat taxawal julli kon damay daal xamné kon julli wala bok man yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mom mo né won khamsu salawat bayna yawmin wa layla kata khamsu salawat katabahunallahu bayna ala al-ibad bayna yawmin wa layla manam juromi julli la yu yalla faratal ci kaw jami digënti guddi gi ak baccëg gi xam nga lolu nonu argument la dalil la pour wané ni julli lan la farata la alors que isnad wala ki silsila mom moy rek cialale gi nga xamné rek mom mo la yop ba ci wax jodi voilà manam mom moy foko déggé lolu ku lako wax nga ni ma diw koku koku wax nga diw ba ci yéne tini sallallahu alayhi wasallam lolu mom moy isnad moy mais nak silsila dañ koy falal di jëfëndiko ci walu tariqay manam di wax né waaw ki ñi silsila bi lañ jëlé wala silsila bi lañ jëlé en fait isnad la manam moy diw ko jox tariqa koku diw ko jox koku diw ko jox et cetera lolu mom moy voilà voilà wallahu ta'ala a'lam Je ne sais pas si tu as un bon travail. Mais bobu da am xamane ñewon dañ ko dindi won ci yef amna ñoo xamanteni dindi nañ ko ci Coran mais li bu att ah voilà naam voilà exactement voilà lool la manam dañ ko dindi lay att bobu non dañ ko dindi ci alcorane bi ni manam textuellement niñ ko jangé mais att bi dafa sax te moy ku mësa sey lool mo motax lool la ku mësa sey kèn du ko fi kèn du wax né ku nek ci negu sey manam liñu tuddé xam nga tubab ndialo daf ko wutal ñaari bat fornication ak adultère légui boudé ñun wolof benn bat rek liñ ko wutal wala bok man bobu la xam arab tamit bobu la ci xam moy zina mais bo ñëwé ci tubab ci ngay comprendre deug manam wax ni manam liñu tuddé fornication moy ku musul sey adultère moy ku meussa sey bokoy def ñom ñaan nak seen até ci sharia duñu ben bu adultère mo gëna fort parce que bobu mom ragmu la tuddu ma ragmu lay doon manam door xeer ba mu def non lañ koy piné yalla nañ yalla sam Allah ta'ala ala Moi, je vous fais quasiment une vidéo de ce que je vais te dire.